Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le mardi 11 mai 2021. Il est un peu plus de 14h, il est 14h04. Nous sommes un petit peu en retard. Donc excusez-nous, nous avons un petit problème, on va dire, d'arrangement. Donc pour cette nouvelle édition, d'ici quelques minutes, je recevrai par téléphone, donc vous êtes en fréquence libre, je recevrai par téléphone Nika Liflang, toujours dans le cadre du partenariat entre le bureau de Lilith et Radio Guimauzo, donc le partenariat qui existe entre nos deux organismes. Donc nous avons un petit problème, je recevrai Nika Liflang d'ici quelques secondes, quelques minutes. Donc pour vous faire patienter un petit peu, déjà nous allons parler de son album, son dernier album en date sorti le vendredi 19 mars 2021, c'est tout récent, album intitulé Bad Sunday. Donc pour vous faire patienter un petit peu malgré, à cause de ce petit, on va dire, contre-temps, je vais vous passer un premier extrait de son album, intitulé Bad Sunday, et l'extrait, le titre s'appelle Broken Bones. Donc on écoute ce morceau et en attendant je vais essayer de recontacter mon invité du jour. Voilà, je vous passe ce morceau et du coup on se retrouve juste après normalement avec mon invité si c'est bon pour elle. Donc à tout de suite. Vous êtes de retour sur Radio Guimauzo. Vous venez d'écouter mon invité du jour avec son morceau Broken Bones, tiré de son nouvel album sorti le 19 mars dernier, album intitulé Bad Sunday. Et donc pendant cette pause musicale, comme promis, j'ai recontacté mon invité et normalement elle est là. Donc Nika, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour Chris et bonjour tout le monde. Et comment ça va? Bah, ça va super bien, je suis hyper ravie d'être à l'honneur aujourd'hui dans ton émission, c'est top. Bah, avec plaisir. Donc comme j'ai expliqué à nos auditeurs en introduction, on a eu un petit malentendu apparemment, donc bon, mais on a réussi à régler le problème, donc on est parti pour cette émission jusqu'à 15h du coup. Super. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors tout à fait. Je suis Nika. Je suis auteur-compositeur depuis pas mal d'années maintenant. J'ai toujours écrit mes chansons. Et parallèlement, j'ai toujours accompagné d'autres artistes sur scène, en tournée. Et là, c'était le bon moment pour moi de sortir Bad Sunday, qui est vraiment la genèse, le résumé de 5 ans de tournée avec un groupe que j'ai accompagné sur scène à la guitare. Au chant, en fait, j'étais intervenante au chant, on va dire. D'accord, donc ce groupe qui s'appelait The Liminianas, c'est ça? Tout à fait. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Donc, avant d'aller plus loin, déjà, je tenais à remercier et à saluer, comme la semaine dernière, Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents, de musique actuelle, car c'est Géraldine qui nous a mis en contact. Sans elle, tout à fait. Sans elle, cette merci émission, Géraldine. Voilà, sans elle, cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, comme vous venez de le dire, merci Géraldine. Donc, merci. Avant de parler de votre carrière et de votre album à proprement dit, donc Bad Sunday, quel a été votre parcours personnel? Est-ce que vous avez fait des études musicales ou est-ce que vous ne vous êtes dirigé vers la musique que plus tard? Alors, je suis à la base, je suis autodidacte. Donc, j'ai toujours écrit, quand j'étais enfant, des petites histoires, des petits poèmes, des petites chansons. Ensuite, un petit peu plus tard, lors du repas de fin de vendange chez mes parents, j'ai pu jouer de la guitare avec des gitans qui étaient super forts en guitare acoustique, guitare flamenca. Et c'est seulement plus tard, à partir de 2005, que j'ai suivi des cours de perfectionnement musicien, choriste, chanteur au CRC de Béziers et où j'ai pu apprendre notamment avec des intervenants comme Francis Balsamo de l'école de musique du Jam à Montpellier, les techniques d'improvisation dans le jazz. Ensuite, j'ai fait une formation de musique assistée par ordinateur, MAO, à Montpellier aussi. Un petit peu plus tard, au studio La Canale, j'ai suivi une formation d'enregistrement, mixage, mastering, qui m'ont permis un petit peu d'asseoir mes connaissances que j'avais acquises sur le terrain et que j'avais besoin de valider par des professeurs et des intervenants costauds sur le sujet. D'accord. Donc j'allais vous demander, est-ce que c'était votre premier projet musical ou est-ce que vous aviez déjà un ou plusieurs albums auparavant, mais on en a un petit peu parlé, donc notamment avec votre groupe The Liminianas. Alors, tout à fait. Donc The Liminianas, c'est pas mon groupe, c'est le groupe, c'est le duo de Lionel et Marie que j'ai pu intégrer fin 2014 pour le début des répétitions et on est parti dès 2015 en tournée parce qu'ils avaient besoin de remplacer leur chanteuse et moi j'ai juste eu la chance de pouvoir interpréter leur compo, enfin leur ligne de chant et leur texte en live. Moi j'ai juste enregistré deux trois chœurs sur Malamor. D'accord, donc à la base vous êtes du coup et vous êtes toujours une chanteuse de solo. Tout à fait, c'est vrai que je pars mon projet de base, ça a toujours été mes chansons, donc Nika, j'ai commencé en solo Nika, ensuite j'ai été Nika and the Rosemaries, accompagnée de Romain Delorme, Benoît Gobiac, Sébastien Plagne à la batterie, puis je suis devenue Nika duo avec Laurent Chavanette à la contrebasse, et puis je suis à nouveau devenue Nika avec d'autres intervenants, puis j'ai travaillé avec Gaël Costil, Samantha Jamin, là j'ai travaillé avec Erwin, Baron, Étienne. Enfin, je me suis toujours fait une alternance entre mon projet solo et puis l'intervention de musiciens de live qui venaient appuyer un petit peu mes morceaux, en fait. D'accord. Donc, vous, votre style en particulier, comment vous le décririez? Écoutez, aujourd'hui j'ai envie de m'amuser avec l'intitulé de mon style. Aujourd'hui j'ai envie de dire que je fais de la variété grunge. C'est-à-dire c'est hyper c'est déjà un intitulé qui est antinomique parce que voilà, grunge, on a toujours cette idée de toute façon de rock, un petit peu le côté pop et accessible, populaire. Et puis dans variété, il y a cet univers déjà chanson, et il y a cet univers français, parce que aujourd'hui j'ai envie de vraiment de proposer le live en soutien à la sortie de mon album et qui va être un solo en fait, où je vais vraiment déjà jouer tous mes titres, donc les 9 titres qui sont issus de l'album, mais j'ai envie de rajouter toutes mes chansons en français en fait, et ça va ça va avoir cette consonance pop, chanson, variété grunge. Donc toujours le côté un petit peu sali, le côté un petit peu lampe d'ampli, le côté un peu vintage. Et après, il y a pas mal d'autodérision et d'humour. Donc voilà. D'accord. Et donc, comme nous l'entendrons dans les différentes pauses musicales que nous écouterons tout au long de cette émission, et comme nous l'avons entendu dans la première pause musicale que j'ai passée avant de vous retrouver au téléphone, dans les différents extraits de votre album, et comme je l'ai entendu quand j'ai écouté votre album justement, en préparant cette émission, vous chantez en français et en anglais. Donc, pourquoi avoir fait ce choix du bilinguisme pour vos titres ? Alors en fait, ce choix, il s'est simplement imposé à moi, c'est-à-dire que je suis issue d'une famille bilingue à la base, donc c'est-à-dire que je suis issue de deux parents néerlandais, donc qui ont vécu en Hollande et qui sont descendus en France parce qu'ils pouvaient pas avoir d'enfants, ils ont fait un voyage de noces, ils sont allés vers le soleil, et hop, avec ma sœur, on est arrivé là en France. Donc si vous voulez, c'est vraiment une double culture, et puis en plus ma maman qui était professeure institut dans une école bilingue, j'ai vraiment baigné dans ce multi-univers, multilingue. Et du coup, j'ai toujours, moi, en tant qu'enfant, et puis ado, et puis pré-adulte, et maintenant adulte, j'ai toujours eu ce réflexe de toujours traduire les choses dans ma tête. Et en fait, ça s'est vraiment imposé à moi maintenant, en tant qu'artiste un peu sensible. Souvent, j'ai besoin d'exprimer des choses tantôt dans le registre un petit peu de la colère, ou la violence, ou l'interrogation, la critique, et tantôt dans le registre un petit peu posé, poétique, plutôt romancé. Donc quand je suis dans le côté un petit peu vindicatif, je vais utiliser l'anglais parce que je trouve que les consonances de cette langue permettent vraiment de crier parfois ce qu'on veut dire en fait, et de crier le message, tandis que le français, il est beaucoup plus apte à être ciselé, à être comme ça très détaillé. Déjà c'est la langue de Molière, c'est une langue qui permet, en tout cas qui me permet à moi d'exprimer mon registre un petit peu plus romancé, romantique, cœur d'artichaut, pop. D'accord. Et donc, comme vous venez de le dire, votre projet, donc The Bad Sunday, et votre style de musique, c'est plutôt typé pop-rock, mais plutôt pop-rock vintage. Donc, ce côté vintage, est-ce qu'il est important pour vous, ou est-ce qu'il est venu à vous comme ça, naturellement ? Alors, le côté vintage, il est venu à moi, en fait, par une superbe guitare que je possède. En fait, c'est une guitare, une réissue Fender Vintage, une Stratocaster, donc qui donne en fait ce look vintage. Et dans vintage, on a aussi le côté simple des arrangements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la musique électronique, il n'y a pas beaucoup de place pour les musiques préenregistrées. C'est quelque chose d'assez organique, c'est quelque chose d'imparfait en fait dans sa conception même de la façon de faire. Donc je pense que le côté vintage, il peut être trouvé dans ce sens-là en fait de l'explication, dans ce sens-là de la création en fait. Je pense qu'il vient plutôt du côté simpliste en fait de faire la musique. Voilà. D'accord. Et donc, comme vous venez de le dire, le côté vintage, c'est surtout grâce à votre guitare. Mais, tout à fait. Et comme on l'a dit. Et l'ampli, l'ampli aussi. J'ai un Vox AC30 CCH avec une magnifique réverbération et un trémolo ultra cool. Donc, je pense que ça vient de là. J'aime bien baigner dans la réverb. J'aime bien baigner comme ça dans le trémolo. Je pense que ça fait quand même partie de moi. Même si je viens de changer d'ampli parce que l'autre était un peu lourd. Donc là, je suis passée sur l'ampli orange, mais parce que j'aime bien les sons anglais, en fait, au niveau de la guitare. D'accord. Et donc là, vu qu'on parle des instruments, guitare, ampli, tout ça, et comme nous l'avons dit, votre projet, donc c'est un projet solo, mais est-ce que quand vous êtes sur scène, vous êtes accompagné d'autres musiciens et ou musiciennes, ou est-ce que c'est vous qui faites tous les instruments ? Alors, en ce moment, en tout cas, l'album, donc là, Bad Sunday, je vais le défendre en solo sur scène. Alors c'est plutôt en fonction des restrictions économiques liées à la situation sanitaire, c'est-à-dire qu'au moins à la base, J'avais choisi pendant 2 ans et demi de travailler avec un groupe de Marseille, mais malheureusement, la crise a eu raison de notre distance énorme, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment loin. Moi, j'habite à 1 demi-heure de Montpellier, donc pour arriver à Marseille, c'était un peu compliqué. Ça a compliqué les choses au niveau du travail entre nous, donc par la force des choses, voilà, je me suis remis à travailler mon solo, mais évidemment, je suis la porteuse du projet, donc forcément, je connais les morceaux jusqu'au bout des doigts, je peux les réinterpréter en permanence, ce que j'aime m'amuser à faire, mais par contre, il n'est pas exclu que sur scène, vous puissiez me voir accompagner, c'est-à-dire que autant en duo, en trio ou en quatuor, mais bon, là, en tout cas, c'est parti pour le solo, quoi. D'accord. Donc, comme annoncé en introduction, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre carrière ainsi que de votre tout nouvel album Bad Sunday, sorti le 19 mars dernier, donc c'est tout récent. Mais avant d'approfondir le sujet, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une nouvelle fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un nouvel extrait de votre album, et que nous écoutions le morceau numéro 1 de votre album, morceau éponyme, donc morceau Bad Sunday, que l'on pourrait traduire en français par « Mauvais dimanche », tout simplement. Oui. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute ce morceau ? Mais carrément, c'est parti pour Bad Sunday. Ok, alors on écoute ça, ce morceau, et on se retrouve juste après, d'ici, juste après la chanson, en fait. Merci. Sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h23, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Nika Liflang avec son morceau Bad Sunday, tiré de son tout nouvel album intitulé Bad Sunday, justement sorti le 19 mars dernier. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route, si c'est le cas, évidemment, soyez prudents et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Nika Liflang, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de ce tout nouvel album. Ça va toujours ? Mais tout à fait, merci Chris. Donc, avant d'aller plus loin, Quels sont vos objectifs, vos messages que vous voulez transmettre à travers vos titres et donc à travers ce titre Bad Sunday? Alors, déjà, il faut savoir que donc Bad Sunday, c'est la genèse de l'album. Donc, c'est le morceau par lequel l'album commence. C'est la thèse et l'antithèse en une phrase de deux mots. Bad Sunday. Donc, normalement, le dimanche, c'est fait pour se reposer. C'est quelque chose de toujours plus ou moins positif, sauf quand il pleut. Mais déjà, ça montre le côté paradoxal et duel, en fait, qui va arriver dans cet album. Donc, à la base, c'est le morceau que j'ai écrit pour Ti, donc c'est ma moitié. Donc, c'est comme un mot doux, une preuve de la conscience, de la pénibilité pour la personne qui reste. Donc, la personne qui attend. Donc, nous... parfois, il nous restait que quelques heures pour nous voir quand j'entrais de tournée, avant la reprise de la semaine, avant le lundi. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu la douceur, la pénibilité de la semaine, on va dire, parce que voilà, j'essaie de me mettre un petit peu à sa place. Donc, c'est Sunday Today, par exemple, quand je coupe Bad Sunday et Good Sunday, les mets ensemble, en fait, dans cette explication, c'est la phrase centrale, en fait, de ces deux titres. Donc, voilà, je me souviens plus, du coup, je me suis un petit peu éloignée de la question. Quand je vous demandais simplement quels étaient vos objectifs, les messages que vous souhaitiez faire passer à travers vos titres. Ben, en fait, le message vraiment que je veux faire passer, c'est que les choses sont pas sales parfois, et je voulais démontrer que les deux mots qui sont dénommés par exemple le mot dimanche quand je mets Bad Sunday et Good Sunday, dénommés par un mot similaire, peuvent avoir deux vies différentes, c'est-à-dire deux démonstrations opposées, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose de noir ou blanc dans la vie. Et je voulais vraiment transmettre cette idée que c'est pas parce qu'on a un jour avec ou un jour sans que le lendemain peut pas être super bien, vous voyez, et que surtout avec cet album, je voulais aussi démontrer l'importance des émotions, en fait, et qu'il faut pas avoir peur de ces émotions, tout simplement. C'est hyper important, surtout dans cette période où on a passé un an un petit peu à se distancier les uns des autres, on dit loin des yeux, loin du cœur, et voilà, c'est un petit peu l'idée centrale de l'album, en tout cas. D'accord. Donc dans cet album, justement, il y a 9 titres. On peut peut-être citer les titres, les noms en question. Expliquer les titres, en fait. Juste les citer. Ah, donc ouais, il y a Bad Sunday, Broken Bones, Customer, Good Sunday, Never Tell It, No Title, Old Stones, Swimming Pool et The Night Call. Donc c'est 9 titres. J'ai rajouté SR quand même devant les titres en français, parce que je me suis rendu compte au dernier moment que j'avais écrit tous les titres en anglais, donc c'était un peu bête. Donc justement, c'était ma question suivante, que tous ces titres justement sont tous écrits en anglais. Donc pourquoi avoir fait ce choix d'écrire les titres en anglais? Est-ce que c'était pour rendre toujours un certain hommage à vos deux nationalités? Oui, en fait, j'ai pas du tout réfléchi, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, tous mes titres, je les traduis tout le temps en anglais, et du coup, enfin, les morceaux aussi, et finalement, je me suis retrouvée à faire l'infographie, donc de l'album, donc de faire la pochette de l'album, et je me suis dit, mais c'est bête, t'as tout écrit en anglais, du coup, moi, j'ai décidé de rajouter FR, parce que, pour que ce soit quand même lisible et compréhensible, qu'il y ait des morceaux en français quand même, puisque je vis en France, quand même, mine de rien, la langue ici, officielle, c'est pas l'anglais, quoi, c'est le français, donc, voilà. D'accord. Et donc, nous le disions un petit peu avant cette pause musicale, votre album est un album plutôt pop-rock, mais vintage, comme on le disait tout à l'heure, mais empreint d'une très grande modernité. Pourquoi avoir choisi, on va dire, d'opposer ces deux termes, d'un côté vintage et de l'autre côté grande modernité, à travers vos titres et à travers cet album? C'est quelque chose qui est vintage, par définition, c'est quelque chose qui est assez vieux, entre guillemets. Alors, le côté, je pense que le côté donc vintage, il vient vraiment de la technique, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des sons, notamment aussi le Farfisa, le Rhodes, que Romain Preuss et Aymeric Sévrac à la réalisation et à utilisé. On a tous utilisé vraiment des techniques d'enregistrement, enfin, et du traitement de son sur l'album que David Darmon a mixé et masterisé, qui sont vraiment issus de cette culture vintage. Maintenant, le côté moderne, je pense que c'est résolument par la vision que j'ai du monde, qui est plutôt contemporaine, plutôt assez moderne, voilà, dans le sens où j'ai une lecture assez directe du monde qui m'entoure. Et en général, les morceaux que je vais écrire sont un petit peu romancés, mais ça reste quand même finalement assez terre à terre, ce qui va nous emmener vers le côté pop populaire, comme on peut dire, comme on peut qualifier la musique, qui reste quand même assez accessible. C'est-à-dire que je vais pas, comme par exemple comme un Boris Vian, où je vais pas travailler les textes et leur donner une dimension surréaliste, par exemple. Ça va être dans mon interprétation live. Donc je pense que les deux différents courants, ils viennent vraiment de ça. D'accord. La vision. D'accord, donc justement, vous avez cité Boris Vian, j'ai envie de dire qu'on salue la mémoire. Dans certains de vos titres, vous introduisez même quelques touches des touches subtiles de stoner. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément ce terme, qu'est-ce que le stoner ? Alors, le stoner, c'est très simple. C'est une musique donc qui vient du rock'n'roll et qui va avoir une touche ultra simple, c'est-à-dire assez les riffs restent assez simples. Un morceau stoner, ça peut tourner autour de deux ou trois accords. C'est-à-dire que on ne va pas aller sur, par exemple, une résolution des accords et une ouverture sur une autre couleur. Ça va rester assez assez simple. Donc moi, quand je parle de stoner en tête, j'ai des références comme du rock stoner. Enfin, moi j'ai vraiment The Kills, Alicia Mochart, ce côté-là. Donc après, c'est quand même une référence où moi j'interprète déjà mon goût pour un autre stoner, c'est-à-dire un stoner qui est plus qui est déjà plus personnel. D'accord. Ouais. Donc en préparant cette émission, j'ai vu que vous étiez même comparé, on va dire, enfin ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça, à la petite sœur énervée d'un Garbage ou encore d'un Sonic Youth, qui sont deux groupes qui sont deux groupes de rock plutôt connus. Donc j'imagine que c'est comme un honneur d'être comparé à la petite sœur énervée d'un Garbage ou d'un Sonic Youth. Ah ouais, Sonic Youth, ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un que c'est un groupe forcément culte pour moi, c'est un groupe phare. Effectivement, d'être comparé à ça, c'est plutôt flatteur. Maintenant, je peux quand même le dire, les touches de ce style-là sont quand même assez légères. Et j'imagine que le côté Sonic Youth, donc c'est-à-dire les dissonances tout simplement, parce que moi quand j'entends Sonic Youth, c'est vraiment... tu vas sur un accord de guitare et tu le fais bien dissonner, et ça m'apporte vraiment le frisson. Mais je pense que ce côté-là, on le retrouve chez moi, en tout cas plus en live. Donc c'est la version où effectivement il y a une différence entre la Nika sur album et la Nika en live. C'est-à-dire que ces références-là, Nirvana, Sonic Youth, Garbage, je pense que ça se ressent vraiment dans l'attitude en live. Après, tout simplement dans Old Stones, par exemple, j'ai vraiment voulu retranscrire ce côté-là. Et je pense que c'est la petite touche stoner de l'album. D'accord. Et donc, j'ai également eu l'occasion de lire, et je l'ai ressenti en écoutant cet album, car j'ai eu la chance d'écouter cet album en préparant cette émission, que vous êtes loin de vous enfermer dans un genre musical en particulier, en d'autres termes, que vous avez réussi et que vous réussissez à produire une musique qui vous ressemble, libre et éclectique. Donc je suppose que c'était votre objectif en créant cet album, ou même dans votre musique en général, de créer justement une musique qui vous ressemble, donc libre et éclectique. Oui, tout à fait. En fait, tout simplement, je voulais me donner la liberté de faire vivre ces morceaux. Et en fait, au lieu d'enregistrer toute seule, mon manager, donc Alain Rabot, a réussi à trouver des subventions auprès de la région Occitanie et de la ville de Montpellier. Donc il a réussi à vraiment à débloquer une enveloppe pour pouvoir payer des musiciens intervenants. Et c'est vrai que grâce à eux, donc je me suis entourée d'amis et de personnes que j'admirais énormément. C'est donc des personnes qui me connaissent et qui ont réussi à retranscrire ce côté qui existe chez moi, c'est-à-dire de réussir à rassembler tout un style d'influence qui me caractérise, parce qu'ils me connaissent bien. Donc Aymeric et Romain me connaissent quand même assez bien pour savoir que j'ai besoin d'exprimer tout l'ensemble, toute la somme de ces styles et de ces influences. Et donc c'est vraiment grâce à eux, grâce au travail en commun qui a été fait, quand on écoute l'album, on se dit ah ouais, c'est quand même finalement assez éclectique. Ils ont pris la liberté de pouvoir exprimer tous ces aspects de la personnalité de la chanteuse quoi, en fait. D'accord. Donc il est 14h34, avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans un deuxième extrait de votre album Bad Sunday, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 6, il me semble, de l'album, morceau intitulé Good Sunday. Voilà, on a écouté Bad Sunday tout à l'heure, là c'est Good Sunday qu'on va écouter. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'écouter Good Sunday après justement avoir écouté Bad Sunday. Donc Good Sunday qui veut dire bon dimanche, chanson qui a d'ailleurs le droit à son clip sur internet. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Guémozo. Spin te farder, ce qui est super cool, c'est de pouvoir se balader sur le faubourg avec le soleil au zénith, accompagné de ce petit blues. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct. Il est 14h37. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications web Radio Line ou Orange Radio partout en France. Applications web et applications mobiles, bien sûr. Vous venez d'écouter Nika Lifelang avec son morceau Good Sunday. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Nika Lifelang, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de son tout nouvel album sorti le 19 mars dernier album intitulé Bad Sunday. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Nika? J'adore passer ce moment sur Radio Gemozo, Chris. Parfait, c'est réciproque. Donc, même question que pour la première pause musicale. Quel message vouliez-vous faire passer dans ce morceau Good Sunday? Est-ce que c'était complètement l'antithèse du message que vous vouliez faire passer dans Bad Sunday, justement? Alors, les deux morceaux, effectivement, ils se rejoignent dans une seule et même phrase. Donc, c'est la même phrase qui revient, en fait, si vous écoutez bien. C'était Sunday Today. Donc, le premier, c'était Sunday Today. C'est vraiment une complainte. C'est un message un peu vaporeux et presque un message d'encouragement. Et le deuxième, c'était Sunday Today. Donc, c'est plutôt un message de joie, de contemplation. Donc, c'est le bonheur contemplatif vraiment d'un dimanche où on se pose pas trop de questions, où on se laisse porter soit par le bon temps, soit de retrouver ce qu'on aime, ou de faire tout simplement quelque chose qui nous plaît. Donc c'est vraiment toujours, je reviens vers ce symbolisme de la dualité, du paradoxe que peuvent avoir différentes journées pour chaque personne. Et je pense que c'est important d'accepter aussi les flux d'émotions qui peuvent traverser chaque journée d'une façon différente. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup sur on est fort comme un rock. Alors c'est très important d'être fort comme un rock, mais de savoir écouter l'émotionnalité qui traverse les jours, c'est important aussi, parce que ça nous rapproche de notre cœur. Et voilà, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, quoi. Bien sûr. Donc justement, une question me vient en tête. Justement, du coup, est-ce que aujourd'hui c'est un Good Tuesday? Ah oui. Carrément, mais c'est un super Good Tuesday. J'adore. Du coup, parce que vous êtes du côté de l'Occitanie, chez vous il fait soleil ou il pleut? Parce que je dois bien avouer qu'au Grand Est, dans le Grand Est, il fait très très moche, il fait tout gris. Eh bien, ce Tuesday, cher Chris, est tout à fait paradoxal, lui aussi, parce que ça a commencé par une moitié de journée dans la grisaille et la couleur plutôt bleutée, l'humidité assez forte, et là, et là, il fait beau et ça sèche, donc le soleil sort, voyez. Ah, ouais, alors il va falloir faire une chanson controversale tous les deux. Complètement, je le note, Chris, je le note. Allez, avec plaisir. Donc, votre musique réchauffe le corps et apaise l'esprit, c'est ce que j'ai pu lire, et je dois bien avouer que je l'ai ressenti en écoutant votre album, et ça, il met de bonne humeur. Est-ce là aussi un de vos objectifs? Alors, j'ai pas... L'objectif, c'est tant mieux s'il met de bonne humeur, parce qu'en général, je suis quand même de bonne humeur. Je suis quand même, en général, quelqu'un qui aime bien rire. Hein, j'adore rigoler. Au niveau cinémato, d'ailleurs, je suis plutôt branchée sur les films comiques, les films d'auteur assez drôles, hein, Quentin Dupieux, etc. Après, le but, vraiment, dans cet album-là, c'était plutôt de retranscrire toute la palette en fait des émotions qu'il y a eu pendant mon expérience en fait de voyage avec le groupe que j'ai accompagné. Et c'était vraiment le but, il est là, c'est de montrer la richesse de l'aventure au quotidien, l'exploration des sentiments, des émotions qui, à l'image des jours d'une semaine, se suivent mais ne se ressemblent pas. D'accord. Donc en préparant cette émission également et en lisant quelques articles vous concernant, j'ai pu lire que votre musique, et en particulier cet album, aussi entre chien et loup, douceur et tristesse, tout autant promesses d'excitation que de trous d'air à venir, et également entre calme et tempête, introspection et envie de tout casser, mélancolie joyeuse et euphorie vivifiante. Donc ce sont tous des antithèses, des antonymes plutôt. Oui. Donc quand vous avez créé cet album, était cette vision des choses que vous aviez en tête? Et si oui, pourquoi? Alors tout à fait, moi c'est vrai que je viens musicalement vraiment du courant d'impro, c'est-à-dire que j'ai appris les techniques d'improvisation dans le jazz, ce qui me permet souvent de m'en servir pour aller vers des performances plutôt d'improvisation. Quand je me place au centre de ma vie, l'analyse que j'en fais de la personnalité que j'ai, c'est quand même que je suis quelqu'un d'assez versatile, de haute en couleur. Je peux avoir un jour avec, un jour sans. Mais donc, tout cet ensemble, j'ai voulu que ça donne un ensemble cohérent où transpire un petit peu mes influences. Donc il y a quand même pas mal du Gainsbourg, il y a du Catherine Ringer, du Pete Gervais, Pixies, Niagara. Et en fait, tous ces gens-là aussi, c'est des gens qui utilisent beaucoup le registre émotionnel. Gainsbourg, Bachung, Hubert Félix Tiefen. Pour exprimer qui ils sont. Donc voilà, après je pense aussi à Shannon White, Pete Doherty, ce sont des personnes assez émotives, et je pense être de ces personnes-là qui sont assez émotives et qui ont besoin tout simplement d'assumer qui ils sont. Et je pense que l'album, j'ai vraiment voulu montrer que non, j'étais pas juste un bout de rock, ou que j'étais pas juste une pétale de fleur. Non, je suis tout ça, et je pense que les personnes avec qui je me suis entourée pour réaliser cet album ont vraiment vraiment réussi à cerner ce besoin tout simplement de prendre plusieurs couleurs pour dessiner le tableau et de pas rester cantonné ou enfermé dans un tableau ou une vision monochrome en fait de la musicalité qui sort de moi. D'accord. Et donc justement, là, vous parliez de Serge Gainsbourg, Hubert Félix Tiefen ou encore Pete Doherty. Ce sont toutes et tous des légendes de la chanson, que ce soit la chanson française, chanson américaine et de différentes époques. Mais également, on vous compare, j'ai vu ça dans l'article de presse qu'on m'a envoyé, qu'on vous compare à Kurt Cobain, donc le créateur de Nirvana, à Kim Gordon ou encore à PJ Harvey. Qu'est-ce que cela vous fait d'être comparé à ces trois artistes quand même plutôt une certaine renommée, on va dire? Bah, franchement, c'est je pense que Kurt Cobain, c'est peut-être les cheveux. Bah, j'ai les cheveux longs. Je crois que c'est ça que j'ai dit, oui. Je ne suis pas gauchère, donc la personne qui m'a comparé avec Kurt s'est trompée. Je suis droitière, hein, donc Kim Gordon, je pense que ça vient plutôt du registre vocal, donc c'est-à-dire que j'ai une voix qui se rapproche un petit peu. Après, je veux pas me la péter, je porte quand même des bottines, il faudrait pas qu'elles éclatent. J'écoute un morceau en particulier de Kim Gordon, enfin de Sonic Youth, que vous pouvez découvrir, qui s'appelle Because, B-E-C-U-Z, donc Because. Et en fait, ce morceau, un jour j'ai fait écouter à ma mère, elle m'a dit « Ah, c'est cool, il est bien ton nouveau morceau !» Donc oui. Quand même, ma mère me connaît mieux que personne, elle connaît ma voix mieux que personne, et que ma propre mère confonde les voix de Kim Gordon et de sa propre fille, ça veut peut-être, ça vient de là. Et ensuite, la dernière personne, j'ai pas retenu. PJ Harvey. Ah oui, alors PJ Harvey, ça c'est mon idole absolue. C'est la personne qui m'a donné, insufflé la confiance et l'envie de faire comme elle, en fait, quand j'ai découvert à travers du morceau Angeline son univers. Et j'ai trouvé ça tellement énorme que ça m'a donné envie. Donc c'était quoi ? On était en 2001, j'étais à la fac, je venais de rencontrer mes meilleurs amis, ceux qui le sont encore, des gens rock'n'roll qui m'ont fait, mais vraiment, qui m'ont fait ma culture rock, je veux dire. Et donc c'est vraiment grâce à l'un d'entre eux, donc Grégoire Baudot, qui est mon maître guitaristique également, d'où j'ai appris ce côté un petit peu incisif du jeu de guitare sur une corde. C'est lui qui m'a fait découvrir Pete Gervais. Donc à partir de ce moment-là, c'est le point zéro de ma découverte de son univers. Et ce qui m'a plu avant tout chez Pete Gervais, c'est vraiment d'album en album, elle nous surprend, Dry en passant par Stories from the City, Stories from the Sea, Her, Chalk, tout ça c'est des Let England Shake, c'est tous des albums qui sont tellement différents. Et ce que j'admire par-dessus tout, c'est cette capacité de mettre en cohérence des albums qui se ressemblent pas du tout et qui pourtant la place au centre. Et c'est mon idole. D'accord. Donc il est 14h47 déjà. Avant d'aller plus loin à nouveau, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans un nouvel extrait de votre album, histoire de reprendre notre souffle et de nous hydrater un petit peu, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 8, il me semble, dans la tracklist de cet album, morceau intitulé Swimming Pool, que l'on pourrait traduire tout simplement par piscine. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute ce morceau? Oui. C'est parti, on enfile son maillot et on plonge. Allez, donc on écoute Swimming Pool et puis on se retrouve juste après cette chanson, après la petite baignade du coup. À toutes. Nika Lifelang avec son morceau Swimming Pool sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour, il est 14h51, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Nika Lifelang justement, qui est là pour nous parler de son tout nouvel album sorti le 19 mars dernier, album intitulé Bad Sunday. Tout est toujours bon pour vous? Tout est hyper, ok. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, vous êtes habitué désormais. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers ce titre, Swimming Pool? Alors, ce morceau, Swimming Pool, décrit un lundi en le plaçant hors du temps, mais en mieux, à contre-courant. En fait, cette histoire courte raconte la vie d'une personne qui n'est plus en phase au bureau, donc au travail, qui ne se sent pas trop comprise, etc., et qui est virée. Donc, elle va préférer à la stérilité de se morfondre, vraiment d'être dans le bad, la joie simple de pouvoir profiter d'un endroit dont le travail l'avait privé. Donc, la personne, elle sort du bureau, elle met son maillot et clac, elle va se mettre tranquillement dans une piscine municipale ou dans sa piscine. Elle va simplement s'autoriser à transformer le mauvais en bon, quoi, finalement, puisque voilà, elle est virée. Donc vraiment, le message que j'ai envie de faire passer par ce morceau, c'est vraiment quand tu perds quelque chose, tu gagnes forcément quelque chose si tu veux transformer le mauvais en bon, quoi. C'est-à-dire when you lose, you win, quoi. C'est vraiment cette idée de t'inquiète pas, t'as perdu un truc, mais tu vas récupérer autre chose derrière. Faut pas s'inquiéter. En général, la vie est quand même bien faite, et quand on garde cette idée en tête, même s'il y a des grosses difficultés qui peuvent traverser une vie, et ça, je suis aussi de ceux qui ont connu des mauvais moments, comme tout le monde. Et voilà, il faut juste s'accrocher à cette idée de transfigurer le mauvais en bon, et de se forcer parfois à sourire, et hop, quelque chose de bon va réussir à transparaître derrière. Et dans ce morceau, vraiment, je pense avec mon équipe, on a réussi un petit peu à donner un reflet ou une interprétation d'un morceau qui m'est très cher, qui m'est très cher dans son album One Foot in the Grave. Donc c'est Beck, c'est ses premières périodes, en fait, ses premiers enregistrements. Donc je vous invite à aller découvrir Outcome de Beck ou Cyanide Basement. Donc c'est des morceaux vraiment qui sont arrangés juste à une ou deux guitares folk, avec quelques petits arrangements, et qui moi me touchent particulièrement par leur imperfection, et voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'imperfection dans la musique. Bon, je parle pas de ne pas jouer dans le temps ou des trucs énormes, hein. C'est-à-dire les petites imperfections qui rendent les choses charmantes ou attachantes. Par exemple, Beck qui a donc fait cet album One Foot in the Grave, dans un des morceaux on l'entend tousser, en fait, et j'adore, je trouve ça génial. Enfin bref, voilà, c'est l'histoire de ce morceau. D'accord. Donc, combien de temps cela vous a-t-il pris pour créer cet album, on va dire de A à Z, de l'écriture de texte à la commercialisation ? Alors, ça m'a pris énormément de temps. D'accord. Ça nous a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, en fait. D'une part, je vais remonter dans le temps en moonwalk. Donc là, en fait, on a fait reporter la sortie à cause du Covid, déjà d'un an. Donc, c'est énorme. C'est vraiment déjà beaucoup. Et ensuite, avant ce report-là, il y a eu beaucoup de longueurs parce que, comme je l'ai expliqué, j'étais en tournée avec Liminianas et j'avais pas le temps d'être partout. Donc, forcément, on a pris beaucoup de temps. Et il y a même des morceaux où les musiciens qui ont enregistré l'album, donc on a travaillé par web. Et en fait, ils ont commencé à enregistrer des morceaux pendant que j'étais pas là. Moi, quand je rentrais de tournée, hop, avant une autre tournée, clac, je venais enregistrer mon truc. Donc ça, vraiment, ça a rallongé le temps. Ça l'a rallongé pas mal, quoi. Voilà. Donc, quand est-ce que ça a commencé à s'écrire ? On a commencé à l'écrire fin 2018. Donc, ça a vraiment pris beaucoup de temps, quoi. D'accord, ok. Et donc justement, vous parliez de Covid. Donc en faisant des émissions avec des artistes, quelle que soit leur pratique, nous pouvons difficilement passer à côté de cette question. Avec cette crise sanitaire, est-ce que ça n'a pas été... Enfin, je suppose que ça, comme vous venez de le dire, que ça a été très compliqué pour vous. Ça y est, c'est la question, je dois répondre. Donc, en fait, c'était compliqué comme pour tout le monde de ne pas voir ses proches, de ne pas pouvoir sortir, partager, boire une bière avec son ami ou un lait fraise. Et après, ça m'a quand même permis d'écrire d'autres chansons aussi, et puis de découvrir d'autres univers, d'autres choses que je ne pensais pas. Je me suis mis à la couture, j'ai commencé à me créer des costumes, enfin, je me suis mis un petit peu à la pâtisserie, mais ça, c'était pas mon truc, donc je laisse ça à d'autres personnes. Mais après, et aussi à la formation, là, par exemple, en ce moment, je suis une formation par la Fédération Octopus, donc qui tombe vraiment à pic, à point nommé, donc sur le parcours d'artiste. Et voilà, donc j'ai vraiment passé ce temps-là à composer, à créer quand même des choses malgré la situation. Voilà. D'accord, et j'imagine que comme tous les artistes, la scène et les fans vous manquent beaucoup. Carrément, c'est vrai que la scène, c'était un petit peu l'endroit fabuleux où où on aime exprimer son art, donc forcément, et puis où on peut rassembler les gens et se retrouver voilà, dans une vie, la meilleure vie, quoi, la meilleure vie. Après, voilà, donc c'est vrai que ça me manque beaucoup. Là, je vais faire quelques concerts en mode privé, donc cet été, parce que bah, les dates sont reportées. Mais bon, moi, vu que j'ai changé de forme, donc entre le groupe, maintenant, bah, j'ai plus de groupe, donc maintenant c'est un solo. Donc bon, il y a eu beaucoup de remaniements. Donc voilà, il faut que je me réadapte, mais... Donc ce que je vais faire, moi je vais en profiter pour repartir en résidence, tout ça. D'accord. Donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, elle est passée à toute c'est vitesse. C'est pas possible, mais Chris, vous êtes un magicien. Ah, merci. Vous êtes, alors dans ce cas, vous êtes une bonne assistante, on va dire. Donc, on fait une belle équipe, je crois, ça. Sur Radio Gemozo. C'est ça. Donc si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent se lancer dans la musique et ou créer un groupe, quels seraient les conseils que vous leur donneriez? Alors, j'ai quelques conseils, mais c'est des bons conseils. Allez. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est tous chanteurs. C'est-à-dire qu'il y a tellement de registres de chants possibles et inimaginables dans l'univers. Dans le monde, je veux dire, pardon, que moi, je conseille à tout le monde de se faire confiance et d'aller vers un registre qui met en valeur notre voix. Ensuite, au niveau de l'instrument, tout simplement commencer à explorer un instrument, bah, le plus basique, je vais dire que c'est la guitare, parce que l'avantage avec cet instrument, c'est qu'on peut de suite donner une petite rythmique et qu'on peut s'accompagner ne serait-ce que sur une corde. Donc moi, c'est ce que je fais en général. J'aime bien jouer sur une corde. Ça me va tout à fait. C'est d'où le petit côté grunge. Mais donc, ne pas hésiter à se poser dans sa chambre, dans son bureau ou dans sa salle de répète, d'écouter notre morceau préféré, celui que déjà on peut chanter plus ou moins, et d'essayer de retranscrire les accords qu'on entend tout simplement. Donc passer un moment là-dessus déjà et se retrouver avec soi, son instrument et son morceau préféré, et commencer vraiment à être dans ce côté travail, parce que c'est déjà du travail que de déchiffrer et de décomposer un accord. Et voilà, donc dans les premiers temps, ça va être ça. Après, la deuxième phase, ça va être « Ok, maintenant que je connais ce morceau, je vais me lancer, je vais chanter le truc. » Et puis après, ne pas hésiter à appeler son meilleur pote, à le coller derrière une batterie ou une basse à faire voilà, les premiers concerts devant sa famille, pourquoi pas. Mais en tout cas, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est se faire confiance et surtout pas trop se comparer, parce qu'on fait chacun des trucs qui nous sont personnels. Et ce qui est cool dans la vie, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et que chacun fait son petit truc, quoi. C'est ça qui est cool. D'accord. Donc d'ailleurs, je pense déjà connaître la réponse, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De passer comment dire une good suite, pas une bad suite. Non, c'est vrai que pour la suite, ce que j'aimerais bien, bah, c'est de trouver un entourage pro qui puisse m'aider à partir un petit peu tourner en France, en Europe, et puis ouais, tout simplement continuer à enregistrer et à m'amuser dans ce que je fais. Et voilà. Bien sûr, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est le plus important. C'est ça. Donc c'est ainsi que se termine déjà cette édition de Fréquence Libre. Donc je vous remercie une nouvelle fois, Nika, d'avoir accepté mon invitation. Mais merci Chris, merci Géraldine. Et puis je voulais juste, désolé, en profiter pour embrasser toute mon équipe. Donc voilà, je voulais faire un gros bisou au groupe DPMT. Donc c'est Aymeric Sévrac avec Yannick Gomez. Donc c'est leur groupe à eux. Je voulais faire un gros bisou à Romain Preuss, à Alain Rabault, à Géraldine et puis et à Laurent Brugerol, le photographe qui me suit. Et voilà, Mirador Sound Studio. Et aussi remercier encore la région Occitanie et la ville de Montpellier. Voilà. D'accord. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Et je pourrais même vous envoyer l'émission par mail si ça vous tente. Génial, avec plaisir. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimauzo ou en nous appelant, pourquoi pas, au 03 29 62 40 40. En attendant, moi, je vous laisse en musique après le générique avec Glimlip, Look et Elior et leur titre Pitch. Avant la rediffusion de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Pierre Simonin, directeur de la Maison Familiale et Rurale, ou MFR, de Saulxures-sur-Moselotte, qui était là pour nous parler justement de cet MFR. Et quant à nous, nous nous retrouvons toujours demain, mercredi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone à nouveau Paul Landon, de l'Intégration Motrice Primordiale, ou IMP, qui sera là pour nous parler de l'IMP justement, et des réflexes primordiaux. Ça promet une bien belle émission et une émission très intéressante. Donc merci de votre fidélité à Radio Guimauzo et je vous dis à demain. Donc salut et à demain. À demain.